Ce n'est pas vrai que l'on tient son destin entre les mains. Il n'y a que le hasard, que le mauvais hasard, et de mauvais endroits au mauvais moment. Incendie, enlèvement, qu'est-ce qui nous attend au tourment? On s'assure, on se rassure, on se dit que tout cela n'arrivera qu'aux autres. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Je ne peux rien y faire, ça me ronge et me désespère. Mais j'espère, oui j'espère, passer au travers. Accident de voiture, séisme et anévrisme, ça m'empêche de dormir. Je ne contrôle pas l'avenir. On le vit tous les jours, au secours, au secours. Je ne peux rien y faire, ça me ronge et me désespère. Mais j'espère, oui j'espère, passer au travers. Faire en sorte que le vent nous porte, qu'on passe entre les gouttes, que rien ne nous déroute. Pardon, vivre ailleurs, loin d'ici. Mais n'oublie pas de rester en vie. Je ne peux rien y faire, ça me ronge et me désespère. Mais j'espère, oui j'espère, passer au travers.